Allez donc. Monsieur m'a dit nos bagailles. Avec que là. C'est pas pour dire qu'on garde mon petit la fièvre. Mon petit tête fait mal. Comprenez. Qui vous dit, ou malade tout ça. Que là, l'on cherche le roi Bouéni. On va en guillon pour que là. Mais qui j'en prends, c'est même qui va être tout que là, oui. Parce que, en principe, il y a des livres, il y a une fille ouverte devant vous, ou pas fait pour lui là-dedans. Ou pas fait pour lui. Parce que, vous mettez ouvert livre là, vous mettez défaité, vous mettez l'île, ou pas bien qu'à comprendre ça là-dedans. Parce que livre sans être en bibliothèque, femme, non, c'est femme qui fait. Mon autre bagage plus important. Regardez camarades là. J'ai pas de travail à faire, pas bon. Avec j'ai pas bon. Pas que n'a qu'un joueur domino. Garçon qui aime jouer domino. Non, jouer domino, jouer domino. Bons amis. Qui fout son coup 6. Comme je réponds, il va rien tout si ça doit répondre. Il répond. Alors, on l'a pas fait, on l'a pas fait. Plus important, qui tue l'air. Son air qui va le travail. Il va jamais dormir les soirs. L'audio, nos affaires, papa va dormir. Oh, qui s'adorme, il te fait bouger comme ça. Qui s'adorme, il te fait bouger. Il va jamais dormir, et puis son sale bagaille. Des fois, l'entrée la caillie, il va te voir l'eau propre. 6h du matin, monsieur. 7h, attendez. 8h, elle fait 10h, mais regardez, c'est. Alors mon voisin sous côté acteur de tout le bagage, regardez, voisin, regardez. On n'a pas qu'on côté pour vous écoler. Voisin, tu veux qu'on l'aile, voilà, droite à gauche. Il sent-il ta. Il sent-il ta. Comprends-moi. Eh ben, qu'est-ce là. C'est qu'est-ce. Bon, prends pour le son, petit point. Ka li